Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce podcast de niveau média avancé. Je m'appelle Amaury. Moi c'est Christella et Amaury, l'heure est grave. Nous sommes dans une période de crise financière. À l'heure de la mondialisation, cette crise affecte le monde entier. La situation est difficile, Christella. C'est pourquoi ici à FrenchPod, nous allons aborder le sujet, mais de manière un peu joyeuse quand même, car nous avons ici un article tout à fait intéressant. C'est pour ça qu'à FrenchPod, on a décidé de voir le bon côté des choses. Tout à fait. Les gens qui réussissent à relever la tête. Qui, par des idées extraordinaires, arrivent à apporter une embellie dans ces temps difficiles. En tout cas, ils essayent de s'en sortir. Et aujourd'hui, on a l'exemple d'un restaurant qui a une idée ingénieuse, une idée très intelligente, qui est de proposer un repas à 1 euro. Voilà, donc en fait, c'est le sujet de l'article dont on va parler aujourd'hui et qui provient d'un hebdomadaire français qui s'appelle Courrier International. Le Courrier International, c'est un hebdomadaire français qui paraît le jeudi et qui a été créé il y a 18 ans, en 1990. Et qui est un concept vraiment très original. Et ce concept est de choisir des articles extraits de journaux du monde entier et les traduire en français. Et moi, je trouve ça tout à fait formidable parce que ça donne vraiment une vision globale. On a les points de vue de journalistes qui vivent vraiment la situation dans leur pays. Exactement. Par exemple, pendant la première guerre du Golfe, le Courrier International avait traduit des articles provenant de journaux arabes. De cette manière, il était permis aux Français de connaître le point de vue de l'autre côté, pas seulement le point de vue des journaux occidentaux. C'est une très bonne façon d'avoir les points de vue distincts. Donc cet article ici provient du Courrier International du 24 octobre 2008. Et l'article dont on va parler aujourd'hui est extrait d'un quotidien espagnol, un quotidien monarchiste qui s'appelle ABC. Qui est un des trois grands quotidiens espagnols. Et alors la personne qui tient cet établissement, la fameuse cidrerie d'Arioz, qui se trouve à Gironde, dans le nord de l'Espagne, en Asturie. C'est quoi cette fameuse idée qu'elle a eue? Alors son idée est de proposer une fois par semaine, le jeudi, un repas appelé le repas anti-crise, c'est-à-dire un repas composé de trois plats, un dessert, du pain et du vin. Pour 1 euro. Bon sang. J'ai pris un tour sans hésiter, si j'étais en Espagne. J'ai l'impression que toi et moi, on prendrait d'assaut son restaurant le jeudi, non? Ouais, totalement. Ce serait la furie. J'inviterais plein d'amis et on serait les premiers à se jeter dans le restaurant et à commander. Alors on peut vraiment comprendre pourquoi la carte a pu laisser les passants qui s'arrêtaient devant le restaurant. Bouche bée. Qu'est-ce que t'as pour 1 euro maintenant? Une canette de coca. Ouais, et encore, moi j'y croirais pas. Moi j'y croirais pas et forcément j'essaierais. Ça me laisse sans voix, faut que je vois ce que ça donne. Et alors évidemment les gens ont un peu la même réaction que nous. Le restaurant est plein le jeudi, donc le concept marche. Tout à fait. Cette opération a remporté un franc succès, étant donné que la salle ne se vidait pas, qu'il y avait toujours du monde. Ouais, elle ne désemplissait pas. Ils ont multiplié par 6 le nombre de couverts. C'est vraiment impressionnant. On voit dans l'article que ce restaurant accueille en moyenne 20 clients par jour et que le deuxième jeudi, où le menu à 1 euro a été proposé, ils ont accueilli environ 120 clients en moins d'une heure. Comme quoi, le bouche-à-oreille, ça marche. Hein. À mon avis, les téléphones portables ont fonctionné. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que... Donc là, tu cites les 20 couverts par jour. Mais ça, c'était la moyenne avant justement cette période de crise qui a touché l'Espagne également. Et ils étaient quand même descendus de 20 clients en moyenne par jour à 4 clients par jour. Ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Ça a rétréci comme une peau de chagrin. J'aime beaucoup cette expression d'ailleurs, si je peux me permettre, qui fait référence au roman de Balzac, Peau de chagrin. Et je trouve que c'est très imagé, très bien choisi pour décrire la situation de ce restaurant. C'est quand même très difficile pour un restaurateur de voir qu'on attire que 4 clients par jour. Même s'il sait que c'est, c'est la galère pour tout le monde. La situation est difficile pour tout le monde. Eh oui. Et donc tu as cité La peau de chagrin, le roman de Balzac, qui est formidable d'ailleurs. Et d'où vient cette expression, se réduire comme une peau de chagrin? Donc on a cette image qui vient de ce roman. Ce roman où il y a un personnage, pour vous expliquer en vitesse, qui n'a plus d'argent, qui est un peu à la dérive, et qui se retrouve amené à aller dans un magasin où on lui propose un pacte en fait, c'est-à-dire de posséder une peau de chagrin. Alors est-ce que c'est une peau de chagrin? En fait, c'est un double sens. Chagrin évidemment ça veut dire de la peine, mais chagrin c'est aussi un synonyme pour dire du cuir. Donc une peau de cuir, et en fait la personne qui lui donne cette peau de chagrin lui dit que elle a la propriété d'exaucer le moindre de ses vœux, le moindre des vœux de son propriétaire, mais que d'un autre côté, sa taille diminuera en fonction du nombre et de la force des vœux, et qu'en même temps, en contrepartie, elle aura un impact sur la vie de son propriétaire. Mais bon, comme je l'ai dit, il est tellement à la dérive qu'il accepte le pacte, et bon, comme on l'imagine évidemment, la peau de chagrin va rétrécir très rapidement et engendrer de nombreuses conséquences sur la vie de notre héros. qui vont amener à une situation. Mais bon, je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous raconter tout le roman, je ne vais pas vous raconter la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman formidable. Merci beaucoup pour cette petite note explicative, Amaury. Pour en revenir à notre restaurant, quand on voit le résultat, cela valait le coup de se creuser les méninges. Ça valait vraiment le coup. La restauratrice a bien eu raison de se creuser les méninges, de d'essayer de trouver une solution à tout prix. Étant donné qu'avant, c'était difficile pour elle de joindre les deux bouts, c'était difficile au niveau financier. Ah oui, ne m'en parle pas, quoi. Moi aussi. Et encore, même quand c'est pas la crise, à la fin du mois, j'ai toujours du mal à joindre les deux bouts. J'arrive jamais à terminer le mois avec de l'argent qui me reste sur mon compte. Amaury, toujours cigale. Il n'y a rien à faire. Et puis maintenant, grâce à cette opération, la restauratrice réussit à rentrer dans ses frais. Même si elle ne fait pas de bénéfices, au moins elle ne perd pas d'argent maintenant. C'est pour ça que je me suis demandé en lisant l'article, quel était l'intérêt de faire une telle opération. Est-ce que c'est vraiment rentable, surtout de proposer un repas qui a l'air quand même assez copieux? Ouais. Est-ce que c'est rentable de proposer un repas comme ça, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de clients, mais vu le prix du repas, les bénéfices sont quand même assez limités. Bah, c'est pour ça qu'ils disent ici que... ils n'en font pas de bénéfices. Mais bon, on peut imaginer qu'elle a fait ça par bonté. Oui, c'est tout à fait possible. En plus, ça a dû amener quand même un peu de joie. Ça a dû quand même mettre un peu de baume au cœur à toutes ces personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer un bon repas ou d'aller au restaurant. En plus, quand même. Donc, je crois en la bonté humaine. Mais je crois que les gens agissent toujours quelque part un petit peu par intérêt. Faux, Amaury. C'est dur, hein, ce que je dis. Faux, Amaury. Il y a des gens qui sont altruistes. Oui, d'accord, mais là, quand même, comme c'est dit à la fin de l'article, on voit bien que, grâce à ça, son restaurant jouit d'une publicité énorme. Oui, qui arrive même jusque dans les journaux français. Mais c'est une bonne chose. Je pense que ça peut vraiment remonter le moral de beaucoup de personnes qui se disent « Bon, c'est fini, c'est la crise et on n'a pas d'issue. » Dans tout ce paysage noir de crise, c'est une petite lueur pour beaucoup de personnes, je pense. Carrément, surtout, il paraît que c'est pas mauvais ce qu'on mange là-bas. Elle a bien précisé qu'elle ne servait pas de chat, la cuisinière. C'est un bon départ. Elle rassure ses clients quand même. Et puis, ça aide les milleuristes, comme ils disent dans l'article, mais aussi les gens qui sont en pré-retraite. Oui, à ces gens à qui on a demandé de prendre une retraite anticipée, donc à quitter leur travail en échange d'une allocation qui ne correspond pas à la somme qu'ils touchaient lorsqu'ils travaillaient, bien sûr. Et ce, pendant parfois 2, 3, 4, 5 ans, en attendant la retraite effective. Ouais, et ce genre de choses arrive justement en période de crise de l'emploi. Ouais. Et donc c'est bien le cas en ce moment et l'initiative de ce restaurant peut aider ce genre de personnes aussi, donc c'est vraiment très bien. Moi je vais en parler à un restaurateur qui habite juste à côté de chez moi. Je vais voir ce qu'il en pense, s'il peut faire quelque chose. Amaury, il risque de refuser. C'est quand même pas facile s'il gagne pas d'argent, mais bon. Je tiens à te prévenir pour que tu n'aies pas le cœur brisé, mais oui, il risque de dire non. Quoi qu'il en soit, cette restauratrice a fait quelque chose hors du commun. Et je trouve que ça valait la peine d'avoir un article basé sur son histoire. Un article et aussi un podcast. Et on espère qu'il vous a plu et que vous aussi, ça vous a redonné de l'espoir. Parce qu'on a marre d'allumer la télé, de lire les journaux et de voir que c'est fini, là c'est la crise financière, c'est la fin du monde. Non, on peut y arriver. Et pareil, en français, pour tous ceux qui vous disent « Ouais, le français c'est trop difficile, on n'y arrivera jamais. » Eh ben non, nous on est là, FrenchPod est là et on peut vous aider. Et on espère qu'on est la petite lueur qui vous aide à avancer. Surtout avec les expressions d'un niveau très avancé. Qu'on peut trouver dans le courrier international. Ouais, et notamment contenu dans cet article ici. Donc si vous avez d'autres questions ou des réactions par rapport à cet article, à certaines expressions, par rapport au roman de Balzac, Peau de chagrin, n'hésitez pas à venir sur le site FrenchPod.com et on sera là pour vous écouter. Sur ce, à bientôt. Au revoir tout le monde.